premier châtiment de Dostoïevski est créé du 9 au 17 octobre au Maillon à Strasbourg et sera en tournée en France jusqu'en décembre. Maurice Papon pour complicité de crimes contre l'humanité s'est ouvert cet après-midi à Bordeaux. L'ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde est poursuivi pour son rôle dans la déportation d'environ 1500 juifs entre 1942 et 44. Dès l'ouverture du procès, son avocat a réclamé que son client, âgé de 87 ans, comparaisse libre devant la cour pour des raisons médicales. Il est jugé pour son rôle présumé dans la déportation d'au moins 1500 juifs entre 1940.